intéressant parce que nous, c'est une variation biologique, mais c'est une continuité au sein biologique. Une continuité du plan biologique. Moi, j'aime pas ça parler de ça parce que c'est pas la même question que lui. Ça intéresse certaines personnes. Bon, on continue. Mais c'est bon que tu t'habitues à pouvoir attendre n'importe quoi. Parce que tout est important. C'est difficile à l'homme de comprendre tant qu'il n'est pas dans l'intelligence et la volonté et qu'il n'a pas appris à haïr. C'est difficile pour lui de comprendre l'ingérence dans le monde matériel des forces invisibles. Ça, c'est vibratoire, c'est la perception de ça. C'est pour ça que, étant vibratoire, éventuellement, il vient un point que l'intelligence et la volonté se combinent pour créer de la haine. Et cette haine-là, elle est très précise. Très précise. Et pas émotive. Très. L'intérêt est tellement fort, c'est vrai que ça ne peut pas ne pas se faire. Il y a l'exemple qu'on vit, qu'on a vécu avec toi, Bernard. Tu sais, quand tu cries, c'est la haine qui te dégage nous autres pour une certaine vie. Quand je te dis à toi, mais je ne vais pas faire ça. En tout cas, ce que je vois, je viens de voir, c'est comme si tu cries pour faire un espace, nous quitter, pour être capable d'être toi, parler à nous autres, d'un autre plan, de te poigner vers nous autres. Donc, tu vas dire qu'en tabarouette, énergétiquement, nous en ce qu'on nous dit, c'est signe de pas de moi. Je peux vous transmettre un petit peu de haine. Je peux pas vous transmettre trop de haine, parce que si je vous transmettrais trop de haine, là, vous me haïriez avec vos sentiments. Voilà, ça sera trop. Mais la haine, c'est précis comme ça. Voilà. C'est la colère dont tu parlais, si ça sent la colère. La colère. La haine produit un choc vibratoire. Il produit un choc vibratoire. Précis. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait que j'aime bien Maurice Bessette. Que ceux qui me connaissent. Je le rencontre des fois et je haïs sa spiritualité. Je l'haïs, sa spiritualité. Puis lui, il en souffre de sa spiritualité et je la haïs, sa spiritualité. J'aime bien l'homme et je haïs sa spiritualité. Je me sers des deux énergies en même temps. C'est ça, c'est que tu aimes pas. Tu n'en veux pas à l'homme, tu en veux à sa condition. Condition. Puis si on n'était pas des hommes, si on n'était pas venus sur le plan matériel, on n'aurait pas cette volonté-là de pouvoir. Vous n'auriez pas cette volonté-là de. Bon, je suis pas tout de vous, mais on n'aurait pas cette volonté-là de pouvoir se servir de cette volonté-là. Ça prend une instruction. C'est la compatibilité. Ça prend une instruction. Pour que quelqu'un la connaisse, la vie, puis ensuite en instruise d'autres. Sans ça, nos sentiments sont trop forts. On est trop astral. On se le permettra pas. Ça n'a pas de bon sens. On est trop bon, on est trop spirituel. Seulement moi, aimer l'homme qui aime l'homme. C'est la même chose, l'amour et la haine. Vous aimez parce que vous haïssez parce que vous aimez. Vous avez fait votre spiritualité parce que vous aimez mourir? La haine, c'est l'intelligence de l'amour. La haine, c'est l'intelligence de l'amour. Puis si t'as pas ça, ton amour te détruira au cours de l'évolution. C'est ça. Et la lumière, c'est une énergie totalement indifférenciée. Le son, c'est l'appropriation dans l'homme de cette énergie-là. Le mouvement de la lumière dans l'homme crée le son. Et quand l'homme détruit l'âme, il produit en lui le son. Il amène en lui le son. Il fait descendre en lui le son. Puis quand il passe dans l'éther, il se sert du son pour créer. Par le son, il déplace les choses, il déplace la matière, il crée les mondes. Mais pour avoir accès au son, il faut être dans la lumière. Le son, plus, il faut être dans la lumière. Puis le son de l'homme conscient, c'est la parole. Le son de l'homme conscient, c'est la parole. C'est intéressant. La parole, quelqu'un qui a la... Quelqu'un ne peut pas prendre la parole s'il n'est pas intelligent. Ouais. Faut qu'il y ait l'intelligent. Oui, c'est parce que c'est... La première manifestation de l'intelligence et de l'expression de l'homme sur le plan matériel qui commence à poindre en dehors de la polarité, c'est la parole. C'est ça. Et la parole est efficace quand elle est parfaite. C'est-à-dire que la parole exprime parfaitement la lumière de l'intelligence. C'est ça. La parole appartient à l'homme seulement. Elle appartient, quand je dis à l'homme seulement, là, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'appartient pas à la matière seulement. Et elle n'appartient pas à aux esprits. Hein. Mais l'homme peut parler qu'à la jonction de son esprit allumé, que j'en ai dit, ou son supramental est lié à la matière. C'est la parole. Autrement, il fait bien la politique ou ailleurs. Mais la parole est seulement l'homme qui peut parler à l'homme. Et il peut le faire seulement sur le plan matériel. C'est la liaison de la matière avec l'esprit qui crée le son qu'est la parole. C'est extraordinairement beau, la parole. L'illusion actuellement que les gens ont, c'est de quelqu'un qui parle en public, c'est que la parole. C'est faux. Il y a celui qui sait ce qu'il dit et qui le dit parce qu'il a le dit, et il peut utiliser le son de la parole pour créer des chocs vibratoires dans l'esprit polarisé et détruire l'astral dans les esprits. C'est la plus grande force de l'homme pour détruire l'astral chez les autres êtres humains. Cette parole n'a aucune efficacité sur le plan des esprits. C'est la volonté qui a l'efficacité sur le plan des esprits. Et prendre la parole, c'est adjoindre sa volonté à son intelligence pour parler et dire sa lumière, point. Exprimer sa lumière, point. Dans la parole, il n'y a aucune volonté de passer un message à l'autre, sinon c'est contaminé par la parole. C'est pour ça que cette parole-là ne peut pas faire autrement que d'être entendue par ceux qui sont assez intelligents pour reconnaître le son de l'intelligence dans la matière. Il n'y a aucune discussion dans la parole. Il est impossible de discuter la parole. Tu l'entends et à ton tour, tu peux émettre le son de l'intelligence dans la matière. C'est une réponse et c'est la seule communication de l'homme conscient, possible, harmonieuse et propre. Tout toutes les relations humaines autres que la communication par la parole. Et quand je parle de parole intelligente sur l'autre. Toutes les autres relations humaines sont de la merde parce que sont toutes des relations d'apprentissage. Et le seul plaisir de l'homme conscient, c'est de faire vibrer sa matière par la parole avec d'autres. Et pas pour l'enseignement, ça c'est leur frère. Pas par missionnariat, ça c'est leur frère. Et seulement l'homme qui sait parler reconnaît quand il parle qui a parlé. Avant, il ne sait pas, puis comment est-ce qu'il essaie de parler, ça ne marche pas. Et la parole divise. Comment je dis? La parole, elle est un rayon qui fait voir les polarités. Et seulement l'homme intelligent dans la matière peut écouter la parole sans être divisé à l'intérieur de lui-même. La parole, ça ne se discute pas parce que ça appartient pas à personne. C'est pour ça que un homme qui sait ça et qui comprend ça peut aller très vite et très loin dans l'évolution. Parce qu'il n'y aura rien dans son ego, au niveau émotif ou mental, qui bloquera le mouvement de cette énergie-là, de ce son-là. De sorte qu'il pourra absorber les chocs vibratoires que ça produit dans ces corps-là et avancer vite, vite, vite, vite, vite. Lui-même. Et c'est là que l'homme découvre en lui ce que j'appelle l'humilité devant la parole. Et pour avoir de l'humilité devant la parole, il faut avoir de l'intelligence. Seuls les êtres intelligents dans la conscience ont de l'humilité. Le reste, l'autre humilité, c'est astral, ça vaut pas de la merde. C'est une autre forme d'orgueil. Le son, c'est le pont qui brûle à travers l'astral. C'est le feu. Il n'y a pas un être. Il n'y a pas un être qui peut résister à la parole. Beaucoup d'êtres peuvent se fâcher contre la parole, reculer devant la parole. Mais il n'y a pas un être qui peut résister à la parole parce que la parole est infinie. Puis la parole est tellement consistante. Puis la parole, c'est tellement de choses, de l'être, qu'à un certain moment, l'être, dans son inconscience expérimentale, se verra forcé de voir que la parole a raison. Parce que la parole est évidente. Parce qu'elle est évidente. Il n'y a rien de plus évident à l'intelligence que la parole. Il n'y a rien de plus évident parce qu'il n'y a rien de plus simple que la parole. Parce qu'il n'y a rien de plus direct que la parole. Il n'y a rien de plus précis que la parole. C'est l'expression de la pensée, comme c'est pas une autre chose. C'est pas l'expression de la pensée, c'est l'expression de l'intelligence. La pensée n'est jamais intelligente. La pensée est une forme qui contient de l'énergie. Tu n'as pas besoin de penser pour avoir la parole. D'ailleurs, quand tu as la parole, tu ne penses pas. C'est extraordinaire, la parole. C'est pour ça qu'un homme qui a la parole, qui est dans la parole, le seul plaisir qu'il a sur le plan matériel, c'est de parler avec des hommes qui sont dans la parole, qui comprennent la parole. Jusqu'à temps que tu passes à l'été. À ce moment-là, il n'y a plus de parole. D'autres choses. Mais le plus grand plaisir de l'homme sur la terre, c'est la parole. Et entendre la parole. Et parler la parole. Parce qu'un homme qui entend la parole, il apprend. Un homme qui parle la parole, il apprend. Fait que les deux apprennent. C'est extraordinaire, la parole. La parole, ça peut détruire tout, parce que la parole, ce n'est pas astral. Et comme tout est astral, ça détruit tout. Dans la parole peut se servir de la mémoire, mais la parole aussi peut ne pas se servir de la mémoire. La parole se sert de la mémoire pour ne pas créer trop de vibrations dans l'âme. C'est tellement fort la parole. Le jeu du clan des esprits avec des êtres qui sont sur la planète et qui sont bien attachés au clan des esprits dans plein de cordons de micro dans le clan symbole des esprits. La première chose qu'ils font pour le garder sur le clan des esprits, c'est de lui fermer la boîte. Puis même dans la salle, je parle. Pas d'un être qui a la parole, mais je pense, moi, évidemment, toujours dans ma ligne, là, je pense à un psychotique qui n'est pas capable de parler, qui n'est pas capable de dire deux mots de suite. On appelle la verbigération, on appelle, là. Tu sais, il va dire, par exemple, c'est la faute des Québécois, c'est la faute aux revues françaises. Parce que moi, ce que j'aime, c'est ça qui a raison. Bon, une phrase comme ça. OK? Tu sais, il est capable de redonner la parole, le pouvoir, je ne parle pas de la parole, mais le pouvoir d'exprimer verbalement sur le plan matériel, dans l'astral, là, je pense, à quelqu'un qui est sauvé. Parce que le jeu des esprits, c'est d'isoler. D'abord, ça, c'est un principe des ténèbres, d'isoler pour régner. Puis, il le retire du monde, puis il l'isole. Puis là, il boit du noir, puis il reste dans sa maison. Puis, il y a une idée qui ne dit pas correct quand il parle. Alors, il n'ose pas parler parce que l'orgueil, évidemment, est très fort. Alors, il reste isolé. La minute que cet être-là rentre en contact avec une personne qui ose l'écouter dans sa verbigération, qui va chercher en arrière de lui le pouvoir de sa parole pour le stimuler à ce qu'il lui reprenne son pouvoir de sa parole, les esprits n'ont plus de pouvoir sur lui, sur le clan intérieur. C'est pour ça que c'est important qu'un être humain parle à un autre être humain. Et la façon de détruire le clan des esprits, par exemple, par rapport à quelqu'un qui est fou, là, en tout cas, je vais dire fou, là, pour pas prendre des mots techniques, là, psychotiques ou peu importe, ce qu'il va faire, c'est de le mettre en contact. C'est pour ça que la psychologie, dans un sens, est correcte dans l'esprit mental. Parce qu'elle met en contact avec d'autres êtres humains. Mais il faut qu'elle mette en contact avec d'autres êtres humains qui ont des pieds en terre, qui peuvent parler, pas avec des êtres humains qui ne peuvent pas parler parce qu'ils se retrouvent tous dans l'atmosphère. T'sais? Ils ne sont pas tous des pieds en terre. Alors, c'est important. La première démarche, c'est de remettre cet être-là, j'en parle parce que tout le monde en a parlé tantôt aussi de ça, c'est de remettre cet être-là en contact avec un être humain qui, lui, peut parler, parler, là, parler ordinaire. Au moins, pour qu'il y ait sa crédibilité sur le plan matériel, qui peut dire quelque chose de lui. Quand on rencontre un être qui est accroché au plan des esprits, bon, notre gang à nous autres, notre forme, depuis qu'on a découvert le clan des esprits, c'est d'informer ce gars-là ou cette personne-là qui est poignée par les esprits. C'est toute une histoire de faire comprendre ça parce qu'évidemment, il chie sur le plan des esprits quand il ne peut pas le voir. Puis en plus de ça, c'est comment tu dirais qu'il est sur le plan des esprits, il vaut bien plus que toi, lui, les esprits, puis pour toi, pour lui, t'es un esprit de toute façon. La seule façon de parler à cet être-là, ce n'est pas de lui dire « coupe du clan des esprits ». Je ne sais pas comment faire ça. Et sa parole humaine ne vaut rien sur le clan des esprits. C'est de le ramener dans la réalité matérielle avec un autre être humain et qu'il rentre en contact avec un autre esprit, de toute façon, probablement, selon la salle. Et sa famille lui parle à un autre esprit. S'il peut rentrer en contact avec un autre être humain, avec lequel il peut parler. Il va rentrer en contact avec un autre esprit qui est plus évolué. Qui est plus évolué que lui. Mais que l'autre esprit, lui, c'est comme un ground sur la matière, dans la matière, à qui peut s'accrocher. Puis le jour où il pourrait lui dire je t'aime ou je t'aime ou je t'en veux ou mange la merde. Puis, parce qu'il est dans la matière. Il est groundé. Il est capable de recevoir l'énergie du sol que garder ici. Il n'est pas juste pogné par les. Par les cheveux dans l'astral. Et l'autre personne, par exemple, que ce que tu appelles, toi, dans ton langage, les gens qui aiment beaucoup de monde, qui ont des grandes âmes, moi, ce que j'appelle souvent en psychologie, des personnes qui sont finalement distorsionnées dans leur relation humaine, parce qu'elles s'occupent toujours des autres plus que d'elles-mêmes, leur grande à eux, ce n'est pas leur propre pied, c'est les autres. Elles se voient jamais eux autres mêmes, mais ils se voient toujours à travers les autres. Et ils existent, parce que c'est pas la vie, si on existe, à partir que les autres leur disent qu'ils sont. Ils n'ont pas d'existence réelle. Croque. Alors, par exemple, quelqu'un qui est très généreux, par exemple, je peux te parler de belles femmes, je peux te parler des femmes surtout obèses. Ce sont des personnes qui ont un grand cœur puis qui sont bien prêts à donner aux autres pour lui que les autres leur donnent leur existence personnelle. Et dans ce contexte-là, le travail avec ces personnes-là, c'est justement de leur faire découvrir leur existence réelle à eux autres, ce qui est différent du psychotique. C'est les deux grands types de folie. Mais la parole ne pourra jamais être prise par ces personnes-là. Ça prend des personnes qui sont dans l'intelligence. Mais pour être dans l'intelligence, il faut commencer par être dans le plan matériel. Assis dans son propre corps, dans ses tenues, par ses propres pieds, dans le plan matériel. Jamais quelqu'un ne peut devenir conscient à travers l'esprit d'un autre ou à travers le plan d'esprit. Et il y a beaucoup de grands âmes. C'est trop dur le plan matériel. Le plan concret, manipuler de l'argent, gagner sa vie, faire sa petite routine tous les jours, faire des ménages, tu sais. C'est trop dur. Il y a mieux rester dans le rêve, dans l'astral, plutôt que de faire des vieux désaveurs travailler. Ce qui leur donnerait un grand. Puis d'ici dans la matière, on ne peut pas recevoir la lumière autrement que dans la matière. C'est important de comprendre ça. Parce que ça nous empêche d'être entier, si on comprenait ça, que plus vite on rentre dans la matière de son corps, puis que son corps manipule la matière matérielle, là, physique, on arrêterait de rêver et de penser. Parce que la seule chose qui nous empêche de penser, c'est d'être concentré dans l'action matérielle que je fais dans le ici et le maintenant. C'est le seul truc que j'ai jamais trouvé pour être capable d'être dans le plan matériel. Ici, maintenant, je suis dans le plan matériel là, puis de moi ici, maintenant, dans 2 minutes, je suis encore dans le plan matériel. Je me monolithise dans le plan matériel. Et c'est dans le plan matériel que la lumière va me rejoindre. Mais le rayon, il n'arrivera pas dans l'astral. Il arrive sur le plan matériel. Il faut que je commence à garder mon esprit dans mon corps. D'où l'importance de la sexualité, par exemple. Parce qu'il faut que j'harmonise mon esprit avec mon corps. Puis mon esprit ne veut pas s'harmoniser avec mon corps parce qu'il est allé, que j'en avais dit, par l'astral, constamment. Alors, l'esprit veut s'en aller dans le plan des esprits. La lumière veut bien descendre dans mon esprit, dans mon corps matériel, mais elle trouve un corps vide. Parce que mon esprit se promène dans l'astral, constamment. C'est le fun. Parce que je rêve, puis je rêve au futur, puis quand je serai riche, quand j'aurai des enfants, quand je serai dans le 6e rêve, on rêve. Et tant qu'on rêve, on perd notre tête, on retarde notre évolution. C'est la souffrance la plus difficile, en tout cas, dans mon expérience personnelle, dans l'expérience de ceux que je vois vivre, que de coller par sa propre volonté. Puis ça, c'est sa propre volonté qui fait ça. C'est pas la volonté de l'intelligence. Bien, c'est certain que si la volonté de l'intelligence arrive à faire comprendre ça, fait des choses. Mais que la propre volonté lie mon esprit à mon corps physique, moi, l'esprit va prendre le dessus. Dans l'expérience de l'intelligence. C'est pas mon nom. Bon, tu n'es pas assez matérialisé. Parlons de l'esprit. Alors, on ne fait pas ça, bien vert. Et c'est très important le travail de l'homme matériel. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère dans leur job, dans leur bureau, Parce que la plus petite jambe à notre bureau ne demande pas assez d'énergie physique. Puis ils errent dans la pensée. C'est difficile, c'est plate, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont habitués à travailler avec un crayon. C'est important pour eux pas de courir pour faire du jogging. Parce que courir, ça peut aider. Pour garder l'esprit dans le corps physique, parce que si ton esprit n'est pas là, ta barouette va t'empêcher, tu vas tomber, tant mieux. Mais c'est important de matérialiser son action. Parce que le monde pense qu'ils sont intelligents quand ils ont beaucoup d'idées. Le monde est intelligent quand il matérialise une idée. Pas quand il a beaucoup d'idées. Une personne qui me dit, tu ne comprends pas, j'ai des millions d'idées. Mais dans une certaine... matérialise ton idée, là je vais te discuter. Et tant que tu as des idées dans les airs, dans ta tête, tes millions d'idées, je m'en crisse comme dans ta tête. Puis l'homme n'est pas capable de matérialiser son idée. Il veut de la puissance de son émotion. C'est pas la volonté, ça. C'est la puissance de son émotion. Un avocat veut gagner sa cause, il n'endort pas des nuits, puis il s'en va à court, il travaille, il suit. Il sait plus quoi faire et il tremble. C'est pas comme ça. C'est la compétence qui fait que je suis quelqu'un dans mon action matérielle. Bon, je peux parler comme ça parce que il y a du monde qui me dit, moi, j'ai pas reconnu ma vibration. J'ai pas reconnu ma vibration. Tu sais, t'as dit ça, vous voulez reconnaître votre vibration à un moment donné. Vous allez voir votre vibration, vous allez reconnaître votre vibration. Qu'est-ce que c'est la vibration? Qu'est-ce que c'est la vibration? Elle ne vient pas d'ailleurs, ma vibration. Il faut qu'elle émerge de l'intérieur. Elle ne peut pas émerger de l'intérieur quand mon esprit est pogné dans une corde de linge, accroché après une corde de linge, je suis plein des esprits, puis que mon corps est ailleurs. Pour moi, que la vibration passe right through de l'esprit au corps physique, first one. J'ai déjà dit dans un séminaire, j'ai dit demain. Quand je parle demain, j'ai dit plus tard. Vous réaliserez qu'il y a quatre choses d'importantes dans la vie. Le toit, le travail, le vêtement et la nourriture. Le reste, c'est tout de la merde. Ça synthétise ce que tu dis. Exactement. Mais tu ne peux pas le réaliser, ça, tant que tu ne le réalises pas. Parce que quand tu le réalises, ça, tu es intelligent. Et c'est que. Exactement. J'ai une image, je m'en ai donné. Me montrer comment qu'on était sécurisés, donc, là, actuellement, dans une maudite sécurité. Mm-hmm. Par exemple, mettons un enfant, un bébé, qu'un petit enfant de 4 ans prend dans ses bras. Avec les petits frères de 4 ans, prend le petit sœur, le bébé qui est au berceau dans ses bras. Le bébé, c'est en sécurité dans les bras du petit gars de 4 ans. La mère qui voit ça, ça s'en va en sécurité. Et la mère part, puis prend le petit bébé, puis prend elle dans ses bras. Mais nous autres, on est tous des petits bébés qui veulent être dans les bras de l'enfant de 4 ans. Parce qu'on veut être dans la sécurité, c'est l'illusion. Qu'on va être riche, qu'on va avoir du temps à manger, parce qu'on a peur en maudit de notre plan matériel, de ne pas avoir de quoi manger, puis surtout des conditions actuellement, ça devient difficile de plus en plus qu'on le voit. À partir du moment où je suis capable, moi, de contrôler mon esprit dans mon plan matériel, dans l'ici et maintenant, je suis capable de produire ma nourriture par le fruit de mon travail. Pas besoin de gagner 100 piastres à l'heure. Tu crées tes propres conditions. Oui. Devenir autonome. T'en arrives à créer tes propres conditions. Puis les conditions que tu crées sont toujours proportionnelles à ton besoin, puis ton besoin est en directe relation avec ton intelligence. Et ta volonté. Fait que t'as pas de problème. Fait que toi et tes conditions, ça peut être une chose, lui, ça peut être une chose, ça peut être une chose. Chacun nos conditions. Mais ça remplit parfaitement le rôle que doit vivre le corps matériel dans un espace matériel pour le bénéfice de l'esprit, qui pense plus. Et qui s'amuse temporairement à s'amuser sur le plan matériel. Ah, la vie devient facile. Mais les autres sont obligés de désengager en temps d'arrivée. Ah, ben c'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit. Parce que ce qui est assez clair là-dedans, c'est qu'on a de la misère à vivre le fun. de réagir carrément dans une cause quelconque, que ce soit son travail ou autre. Parce que c'est le fond de la bête à rien faire. Moi, je pense à une madame. Normalement, il y avait une longue sacrée, je pense, qui reste à la maison parce que son mari capable, bon, de fournir les besoins matériels de toute la famille pendant un grand bout de temps. Puis la femme n'a pas besoin de travailler. Mais elle explique, elle n'a pas trouvé sa vibration. Je comprends, elle n'a pas trouvé la jouissance de sa vibration qui est de rien faire. C'est bien que ça, sa vibration? Elle est aussi engagée, elle ne le fait pas. Elle ne prend pas, elle ne goûte pas. Parce que son ego n'est pas désengagé. Parce que son ego va être utile. Puis être utile, c'est faire partie du plan expérimental. Utiliser, être utile à l'expérience, ça aussi. Être utile à l'expérience. Ça, c'est la plus grosse connerie imposée à l'homme. Ça, c'est le plus grand, ça, c'est le plus grand programme social au monde, l'expérience. Ça sert à tout le monde. L'expérience, ça sert à tout le monde. Ça sert pas à toi. Quand tu es conscient, tu n'as pas besoin d'expérience. Expérimenter, c'est juste bête. Mais tant que t'expérience pour tout le monde. Puis tout le monde expérimente. Je te dis, c'est une conscience expérimentale. C'est trop bien quand t'avais l'intelligent des cours ça qui s'appuie à l'expérience. Puis capable de dire, après ça, de maintenir de par sa propre volonté de ne plus servir à l'expérience. Et puis de lumière, parce que c'est ta propre volonté. T'es libre, t'es autonome. Tu vis de ton intelligence et de ta volonté tout le temps. Mais ton intelligence te permet de découvrir les conditions de cette vie-là et ta volonté te permet d'appliquer d'appliquer l'intelligence à ces conditions-là. C'est rien que ça que tu as besoin. Puis c'est pour ça que l'homme aujourd'hui vit dans un système tellement extraordinairement complexe qui est contrôlé à tous les niveaux par la grosse finance, les monopoles, les ci, les ça. Puis lui, il est dans la merde. C'est ça que j'ai déjà dit dans un séminaire. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Mais ce que vous voulez dans la vie que je veux dire, c'est pas ce que vous cherchez dans la vie depuis que vous avez 14 ans. Ce que vous voulez dans la vie, c'est ce que vous savez que vous devez avoir dans la vie. Il faut l'aligner, cette expérimentation-là. Il faut la détester au bout. On est pas. Bon, je reviens à ça. On est obligé de l'aligner. Parce que si tu l'aligne pas, là, ça va te détruire. C'est ça. Exactement. Ça, ça mène à la folie. Oui. Voilà. Parce que le monde, puis je vais l'expliquer plus, parce que ce que je veux dire, je ne sais pas pourquoi je l'explique, là. Ce que je vois, c'est que. Toi, tu découvres les clés pour sortir de la prison, hein? Mais quand tu es une personnalité pour le monde autour de toi, qui sont servis de toi pour l'expérience, puis aussi pour avoir une vie plus facile dans la prison, quand cette personne-là a les clés de sortir, si elle sort seule, les autres vont lui sauter sur le dos, ils vont tout faire pour sortir. Tout n'a rien qu'à dire que tu t'en vas en 84. S'il y a du monde qui sait la veille que tu t'en vas, tu vas en avoir une maudite gang qui va t'en partir. Tu comprends ça? Ben, toi, je comprends. Et c'est pour ça qu'il faut aller avant de sortir. Parce que tu as tout le monde que tu as aidé. Tu sais, quand tu dis à des gens qui vous aiment, qui sont vos amis, là, quand moi j'ai dit à d'autres personnes qui étaient mes amis, qui sont servis de moi pendant ce temps-là, eux autres, puis moi aussi, ça me faisait plaisir qu'ils soient mes amis, puis ça me donnait une personnalité, mais tu sais, j'ai reconnu comme quelqu'un. Comment est-ce que je suis un grand maître dans l'astral, puis toujours un maître dans la prison? Maître dans la prison. Pas maître, c'est toujours dans la prison. C'est pas une question d'être un maître ou d'être identifié dans la prison, c'est une question de sortir. Quand j'ai une personnalité, puis que le monde me perçoit comme un maître, puis que moi j'aime ça être un maître, puis j'aime ça que d'autres me suivent, puis j'aime ça être quelqu'un que les autres. J'ai l'impression que quelqu'un pour les autres, que c'est ces autres-là qui vont m'empêcher de sortir de ma prison parce que je les quitte. Je les abandonne. Parce que je vais me faire miroiter le lard de la sécurité parce que j'ai peur d'être. Je les sécurise. Je dis que j'ai été un maître, pas comme moi, mais je parle. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'on est-tu que t'es pas comme maître? Ou comme la mère dans une famille? Mmh. C'est un maître. Ou la femme pour un homme, c'est un maître, à un certain moment donné. Ou l'homme pour sa femme, c'est un maître. On allait regarder tout le monde qui braille autour d'un cercle. Ça serait même sans moins dans la strade, puis on braille tout. Ils pensent qu'ils vivent sur les énergies du maître, mais ils vivent sur les énergies qu'ils donnent au maître. On prend un break? Il y a une chose absolument extraordinaire qui se passe dans la vie de l'homme qui se conscientise. C'est que ça, ça fait encore partie de cette fameuse conscience expérimentale de l'homme. C'est que souvent, on se fâche contre l'ajusteur de pensée en nous autres. Là. On se fâche contre cet être-là, qui est une intelligence, parce que ces êtres-là sont des intelligents. Et on se fâche contre eux autres parce qu'on pense que ce sont eux qui nous cassent les pieds. Lorsqu'en fait, c'est pas eux qui nous cassent les pieds, c'est qu'on se fait casser les pieds par l'astral. Et on se fâche contre eux autres. On pense réellement que c'est eux autres qui nous cassent les pieds. Suivez bien ma pensée sur ça. Ces êtres-là sont des êtres de lumière. Ils sont ce qu'on appelle des intelligences. Ce sont des intelligences tellement parfaites que elles ne peuvent pas se tromper. Mais il se produit comme un double jeu en nous autres. Il se produit le jeu en nous autres de l'astral, qui est toujours là. Puis il se produit en nous autres leur impulsion en même temps. De sorte que c'est très difficile souvent pour nous autres de savoir si on est victime de l'astral ou si on est victime d'eux autres. Si on est moindrement inconscient ou si on est pas mal débalancé, on peut facilement réaliser qu'on est victime de l'astral. Mais si aussitôt qu'on rentre dans l'intelligence, c'est plus difficile de réaliser si on est victime de l'astral ou si on est victime d'eux autres, parce qu'on ne connaît pas les lois du temps. Si on connaissait les lois du temps, on pourrait à ce moment-là voir dans quel temps eux autres agissent envers nous autres et dans quel temps l'astral agit dans nous autres. Et on pourrait différencier entre les deux temps. Et si on avait la capacité de différencier entre les deux temps, qui est deux vibrations différentes, à ce moment-là, on pourrait réaliser et on aurait énormément de force à supporter ce qui viendrait, par exemple, de leurs activités. Tandis qu'on n'ayant pas la faculté de voir les deux temps, de différencier entre les deux temps de la vibration, on n'est pas capable de voir facilement si l'interférence ou le blocage ou la manipulation, elle vient d'eux autres pour notre bénéfice ou si elle vient de l'astral pour nous casser les pieds. Mais il y a une règle là-dedans. De mesures qu'on peut employer dans toute activité de conscientisation, dans tout mouvement vers la conscientisation. c'est que ça soit de l'astral ou que ça soit d'eux autres, pour des raisons qui nous dépassent, mais qui sont essentielles à notre position, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que nous autres, sur le plan humain, on puisse nous dégager émotivement et mentalement de la vibration. Mais c'est ça qui crée le discernement. Fait que si tu peux te dégager émotivement ou mentalement d'une situation ou d'une vibration, parce qu'éventuellement, ça peut être un vibratoire que tu peux souffrir, à ce moment-là, que ce soit de l'astral ou que ce soit deux autres, tu développes de la résistance. Tu développes du discernement, tes vibrations changent. Parce que les êtres qui sont très, très évolués, les êtres qui sont très évolués spirituellement, qui sont très bons, tu sais, les gens qui ont des hautes vibrations astrales, ces gens-là sont ceux qui ont le plus de difficultés à voir la différence entre l'activité de la lumière et le rayon en eux et des activités astrales en eux. Une personne qui est plus liée à des plans astraux inférieurs peut voir la différence plus facilement. Mais une personne qui est liée plutôt à des plans astraux de haute vibration va difficilement voir la différence. Puis pourtant, il y en a une différence. Il y en a toujours une différence. La règle de mesure parfaite pour déterminer si notre relation est avec la lumière ou avec l'astral, c'est celle-ci. C'est que lorsque la lumière passe dans l'homme, il n'y a pas de pensée. C'est vide. Et s'il y a de la communication, c'est purement mental. Il n'y a pas d'émotion dedans. S'il y a une coloration astrale, qui n'empêche pas nécessairement la communication, ça ne sera pas vide. Si une communication, elle ne sera pas parfaite, dans ce sens que elle sera toujours teintée un petit peu de quelque chose qui veut que l'ego se l'approprie ou qu'il essaie de saisir ou qu'il essaie de comprendre. Mais les ajusteurs de pensée ne sont pas intéressés à nous faire souffrir. Sont intéressés à entrer en nous autres. C'est ça qui les intéresse. Mais en entrant en nous autres, souvent, l'énergie est tellement grande que quand ça passe par l'astral, ça fout tout en l'air. C'est là que nos émotions rentrent en jeu, nos pensées, des pensées subjectives rentrent en jeu, qui font partie de notre mémoire. C'est pour ça qu'on doit... C'est pour ça qu'on doit s'habituer, puis ça c'est tellement important, on doit s'habituer à se reconnaître, dans le sens personnel, mais à reconnaître en soi l'intelligence. Les gens ont beaucoup de difficultés à reconnaître en eux l'intelligence. C'est quand tu commences à reconnaître en toi l'intelligence que tu commences à détruire l'astral. Que tu ne peux plus te faire pogner dans l'astral. Parce que dès l'intelligence, c'est de l'intelligence. C'est parfait l'intelligence. Ça ne discute pas. C'est ça. Tu le sais vibratoirement. Et ce qui permet à l'homme de réaliser de plus en plus l'intelligence, c'est l'absence d'astralité en lui. Moins tu as d'astralité, mais plus tu réalises d'intelligence. Mais les gens doivent comprendre un principe que j'ai expliqué avant. C'est que chaque fois que vous avez du matériel dans le mental, il y a toujours une partie de ça qui vient de la lumière, puis il y a toujours une partie de ça qui est déformée. Parce que le courant, il part d'en haut, en bas. Mais rendu au milieu, souvent, c'est tellement brumeux que quand ça arrive à toi, c'est totalement de travail. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie est astralisée. Quand je dis que les entités dans le monde astral se nourrissent de l'homme. Ils vivent de l'homme, ils vivent des émotions de l'homme, puis des pensées. Ils vivent de cette énergie-là qui rentre dans l'homme. Alors l'énergie, elle passe, puis eux autres, ils la captent, puis rendu dans l'homme, c'est plus la même. Mais un homme qui est avidé au niveau de ses pensées, ou des sentiments qui sont mis en cause par ses pensées, peut facilement saisir qu'il n'y a pas d'intelligence dans telle affaire, ou qu'il y a d'intelligence dans telle affaire. S'il n'y a pas d'intelligence dans telle affaire, c'est parce qu'il y a trop d'astérilité, tu le laisses passer. Mais s'il y a d'intelligence dans telle affaire, tu le prends. Parce que dans l'homme, il y a les deux. Il y a la lumière, puis il y a l'astral, puis il y a toujours un jeu, il y a toujours un combat.